l'accès à cette route est autorisé aux cyclomoteurs ? Réponse A. Aux motos ? Réponse B. Aux poids lourds ? Réponse C. Aux cyclistes ? Réponse D.